Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez trois marches, un chapeau de cow-boy, un pistolet, une pincée de malice et vous obtiendrez les marches de l'Ouest. Assis sur les marches d'un vieil immeuble, un cow-boy s'étire sous un soleil de plomb. Un petit chien renifle sa chaussure et fait ses gros besoins. Le cow-boy fusille du regard sa vieille propriétaire. « Faut pas vous gêner, faites comme si j'étais pas là !» La grand-mère ramasse la crotte sans broncher et s'en va. Arrive un skater qui s'élance sur les marches. Le cow-boy bondit pour éviter l'accident. « Maudit, t'as du pop-corn dans le cerveau !» Le garçon continue sa course comme si de rien n'était. Un policier passe. Le cow-boy l'interpelle. L'agent ne tourne même pas la tête. Le cow-boy s'assoit, dépité. « Qu'est-ce que j'ai fait pour être ignoré ?»« Rien. Pourquoi tu n'existes pas ?»« Alors, pourquoi tu me parles, toi ?»« Moi, je veux vivre une histoire avec toi. »« Une histoire ? Quelle histoire ? On est assis sur des marches. »« Pas du tout. On est sur une diligence. » D'un coup, il file à travers un désert rocheux. Derrière eux, un nuage de poussière se lève, rempli de sourires mauvais.